soir, je regarde dans le miroir pour être certain d'être rasé de près. Rasé de près, mon corps jusqu'à l'âme. Rasé de près, mon âme jusqu'à mon corps. Fourrure, combattant ma nature, animal humain. Je voudrais t'emmuer, en accélérer, changer de forme, en évitant la mort. Plusieurs corps, en une seule vie, moyen de transport, asservi. Rasé de près, mon corps jusqu'à l'âme. Rasé de près, mon âme jusqu'à mon corps. Chaque matin, je m'arrange devant le miroir pour voir. Si je deviens un ange, je me débarrasse de mon animalité crasse pour mieux affirmer mon humanité. Dans l'existence, reste à prouver. Rasé de près, mon corps jusqu'à l'âme. Rasé de près, mon âme jusque mon corps. Chaque matin, je regarde dans le miroir si mon corps reflète mon âme. Oh. Chaque matin, je regarde dans le miroir si mon âme transperce mon corps. De mon évolution, incarnation de ma mutation. J'aimerais tant m'élever au-dessus de la matérialité.